Il reste du temps. Oui, c'est quoi? C'est le 4 octobre qu'on nous disait la date limite pour s'inscrire, pour se présenter comme maire. Il reste du temps pour se présenter à la mairie contre Régis Labeaume, et Jean Gagnon doit le faire. Pas parce qu'il va devenir maire, il deviendra pas maire. Faut qu'il le fasse pour deux raisons. Pour avoir un meilleur show et un meilleur échange d'idées. Puis faut qu'il le fasse parce que Jean Gagnon va ramasser plus de votes que David Lemelin. Il faut qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente d'autres idées. Faut qu'il y ait quelqu'un qui représente une autre vision. Que Jean Gagnon le fasse. Les deux s'aiment pas, parfait. Les deux sont en chicane, parfait. Jean Gagnon a des points à défendre. Il reste quelques journées, là. Qui se lance dans la course à la mairie. Si le seul résultat positif, c'est qu'il y ait un débat entre Jean Gagnon puis Régis Labeaume, j'achète ça demain matin. Surtout que Jean Gagnon, son gros sujet, mais c'est le sujet que le maire utilise comme drapeau pour sa campagne électorale. Les employés, là, les syndiqués, là, c'est à vous autres de mettre de la pression sur Jean Gagnon pour qu'il se présente. Pas pour devenir maire, c'est pas réaliste, c'est impossible, ça arrivera pas. Mais faut que quelqu'un s'oppose à Régis Labeaume dans cette campagne-là. Puis de toute façon, Labeaume le dit, qu'il se présente comme maire, puis il y aura débat. Fait qu'il a déjà accepté qu'il y ait débat. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de se présenter. Puis si je me souviens bien, il y a jusqu'au 4 octobre. Ben oui. Fait que ça peut se faire encore. J'imagine qu'avec les syndiqués, ça va être facile d'avoir les signatures nécessaires. Vous avez